إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله لقد ذلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب شهر الخيرات والبركات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغبا للعاملين وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان وتصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره من الشهور سيرفيتور الله nous est venu un noble mois, un moment immense durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala accroît les récompenses, ouvre les portes du bien pour tous ceux qui le désirent. C'est le mois des bienfaits et des bénédictions, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. C'est un mois recouvert de miséricorde, de pardon et d'affranchissement du feu. En effet, on trouve dans les deux recueils de hadiths authentiques, d'après Abu Hurayrata radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les démons sont enchaînés. Et les portes du paradis s'ouvrent durant ce mois de par les nombreuses œuvres pieuses qui y sont accomplies et pour encourager ceux qui les accomplissent. Et les portes de l'enfer sont fermées, car très peu de péchés sont accomplis par les croyants en ce mois. Et les diables sont enchaînés, ils ne peuvent donc pas faire ce qu'ils font en d'autres mois. Ikhwani fillah, i'lamu anna as-sawma min afdal al-ibadat wa ajal at-ta'at ja'at bi fadli ila athar fa min fada'il as-sawm anna Allah kataba 'ala jami' al-umam wa faradahu 'alayhim qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykum as-siyam kama kutiba 'ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa lawla annahu 'ibadatun 'azima la ghina lil-khalqi 'an at-ta'abbudi بها لله عز وجل عما يترتب وعما يترتب عليها من ثواب ما فرضه الله على جميع الأمم مفخرا الله. Sachez que le jeûne fait partie des meilleures adorations et des plus nobles obéissances. Des récits ont été rapportés au sujet de son mérite. On trouve donc parmi les mérites du jeûne le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit à l'ensemble des communautés et il leur a imposé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens rapproché, « Oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Et si ce n'était pas une adoration immense, dans laquelle la création ne peut se passer, adorant Allah subhanahu wa ta'ala par celle-ci, pour obtenir ce qui en découle comme récompense, alors Allah ne l'aurait pas prescrite à l'ensemble des communautés. وَمِنْ فَضَائِلِ الصَّوْمِ فِي رَمَضَانِ أَنَّهُ سَبَبٌ لِمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ وَتَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ يَعْنِي إِيمَانًا بِاللَّهِ وَرِضًا بِفَرْضِيَّةِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ وَاحْتِسَابًا لِثَوَابِهِ لَمْ يَكُنْ كَارِهًا لفرضه ولا شاكا في ثوابه فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. Et parmi les mérites du jeûne durant le mois de Ramadan, c'est certes une cause pour obtenir le pardon des péchés et l'expiation des mauvaises actions. On trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Hurayrata radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Avec foi, c'est-à-dire avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en agréant la prescription du jeûne pour lui et en espérant la récompense sans répugner son obligation ni douter de sa récompense. Alors dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés. Wa fi sahih Muslim, an Abi Hurayrah radhiyallahu ta'ala anhu aydan, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, as-salawat al-khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahun idha ijtunibat al-kaba'ir. Et dans le recueil authentique de Muslim, d'après Abu Hurayrah radhiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les cinq prières quotidiennes, la prière du vendredi à l'autre, le jeûne du mois de Ramadan à l'autre, expie ce qui est commis entre eux, à condition de s'écarter des grands péchés. Wa min fadail as-sawm anna thawabahu la yataqayyad bi'adad mu'ayyan bal yu'ta as-sahim ajrahu bighayri hisab. Fa fi as-sahihayn an Abi Hurayrah radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allah ta'ala kullu 'amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajdi bi was-siyam junnah fa idha kana yawm sawmi ahadikum فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد قاتله فليقل إني صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Et parmi les mérites du jeûne, le fait que sa récompense n'est pas délimitée par un nombre particulier. Le jeûneur reçoit donc plutôt sa récompense sans compter. En effet, on trouve dans les deux recueils de hadith authentiques, d'après Abu Hurayrah radiallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a dit: toutes les œuvres de l'enfant d'Adam lui appartiennent, à l'exception du jeûne. Il m'appartient certes, et c'est moi qui en donne la rétribution. Et le jeûne est une protection. Et le jeûne est une protection. Ainsi, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne prononce aucune parole obscène et qu'il ne fasse pas de vacarme. Et si quelqu'un l'injurie ou l'attaque, qu'il dise alors: je suis jeûneur. Et je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. La laine de la bouche du jeûneur est plus agréable pour Allah que l'odeur du musc. Et le jeûneur a de joie dont il se réjouit. Lorsqu'il rompt, il se réjouit de sa rupture. Et lorsqu'il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. رواية لمسلم كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يضع شهوته وطعمه من أجلي. Et dans une autre version rapportée par Muslim, toutes les œuvres de l'enfant d'Adam lui appartiennent et les bonnes actions sont décuplées en 10 semblables à elles. Jusqu'à 700, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à l'exception du jeûne, il m'appartient certes et c'est moi qui en donne la rétribution. Il, c'est-à-dire le serviteur, délaisse ses désirs et sa nourriture pour moi. وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال وذلك لشرفه عنده ومحبة له وظهور الإخلاص له سبحانه وتعالى فيه لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإن الصائم يكون في الموت وضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصوم فلا يتناوله لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك فيتركه لله سبحانه وتعالى خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه فمن أجل ذلك شكر الله سبحانه وتعالى له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله ولهذا قال يضع شهوته وطعامه من أجلي وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمله الله عن ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. Ce noble hadith prouve les mérites du jeûne sous différents angles. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala se les réservait pour lui-même, en dehors de toutes les autres œuvres, et ce, pour la place que le jeûne occupe auprès de lui, l'amour qu'il lui porte et la mise en évidence de la sincérité envers lui durant le jeûne. Car c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Personne ne l'observe en dehors d'Allah Azzawajal. Ainsi, lorsque le jeûneur se trouve dans un endroit à l'abri du regard des gens, il pourrait prendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit par le jeûne, mais il ne le prend pas, car il sait qu'il a un Seigneur qui l'observe lorsqu'il est seul, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit cela. Il le délaisse donc pour Allah subhanahu wa ta'ala, par peur de son châtiment et désirant sa récompense. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala le gratifie pour cette sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala le gratifie pour cette sincérité. Il s'est donc réservé son jeûne pour lui-même, en dehors de toutes les autres œuvres. C'est pour cela qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, il délaisse ses désirs et sa nourriture pour moi, et le bénéfice de cela apparaîtra au jour de la résurrection. Comme Sofyan ibn Uyayna l'a dit, rahimahullah, lors du jour de la résurrection, Allah jugera son serviteur et prendra de ses œuvres pour rendre justice à ceux que le serviteur aura lésés. Et lorsqu'il ne lui restera que son jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala prendra alors ce qui restera à sa charge et introduira son serviteur au paradis en raison du jeûne. Al-wajh al-thani an Allah subhanahu wa ta'ala qala fi as-sawm wa ana ajzi bi fa adafa al-jazaa'a ila nafsihi li'an al-a'mal as-saliha yudha'afu ajruha bil-'adad al-hasanatu bi'ashri amthalha ila 700 dhifin ila dha'afin katheera amma as-sawm fa inna Allah subhanahu wa ta'ala أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet du jeûne, et c'est moi qui en donne la rétribution. Il a donc lié la rétribution à lui-même subhanahu wa ta'ala, car les récompenses des œuvres pieuses est décuplée par un nombre. La bonne action équivaut à 10 semblables. La bonne action équivaut à 10 semblables à celle-ci, et ce jusqu'à 700, voire même plus encore. Quant au jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala a lié sa rétribution à lui-même sans prendre en considération un nombre. Et il est subhanahu wa ta'ala le plus généreux. La récompense du jeûneur est donc immense et abondante sans compter. وَالصِّيَامُ صَبْرٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَصَبْرٌ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَصَبْرٌ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ مِنَ الْجَوْعِ وَالْعَطَشِ وَضَعْفِ الْبَدَنِ وَالنَّفْسِ فَقَدْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ أَنْوَاعُ الصَّبْرِ الثَّلَاثَةَ وَتَحَقَّقَ أَنْ يَكُونَ الصَّائِمُ مِنَ الصَّابِرِينَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Et le jeûne est une forme de patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'une patience face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la faim, la soif et la faiblesse du corps et de l'âme. Les trois formes de patience sont donc réunies en lui. Il est donc confirmé que le jeûneur fait partie des patients, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens rapproché, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Al-wajh al-thalith anna as-sawma junna ay wiqaya yaqiyu as-sahim min اللغو والرفث ولذلك قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ويقيه من النار ولذلك رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة يستجن بي العبد من النار. Troisièmement, le jeûne est une protection, c'est-à-dire une préservation qui préserve le jeûneur de la futilité et l'obscénité. C'est pour cela qu'il a dit, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne prononce aucune parole obscène et qu'il ne fasse pas de vacarme. Il le préserve également du feu. C'est pour cela que l'imam Ahmed, rahimahullah, a rapporté d'une bonne chaîne de transmission, d'après Jabir, radiallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se protège du feu. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الوجه الرابع عباد الله مما يدل على فضيلة الصوم في هذا الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك، لأنها من أثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه وتعالى ومحبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله سبحانه وتعالى، حتى إن الشيء المكروه عند الناس يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى وطيبا لقونه نشأ عن طاعته بالصيام. Quatrièmement, au serviteur d'Allah, parmi les choses prouvant le mérite du jeûne dans ce hadith, le fait que la laine de la bouche du jeûneur est préférable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'odeur du musc, car c'est un des effets du jeûne. C'est donc une bonne odeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il aime. Et ceci est donc une preuve de la place immense qu'occupe le jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point qu'une chose répugnée par les gens est aimée est bonne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle découle de son obéissance par le jeûne. Al-wajhul khamis, inna lis-sahimi farhatayn, farhatan 'inda fitrihi wa farhatan 'inda liqa'i rabbihi. Amma farhuhu 'inda fitrihi fayafrahu bima an'ama Allah subhanahu wa ta'ala 'alayhi min al-qiyam bi'ibadati as-siyam, alladhi huwa min afdali al-a'mali as-salihah. Wa kam unasin hurimuhu falam yasumu, wa kam min unasin hurimuhu falam yasumu, wa yafrahu bima abaha Allah subhanahu wa ta'ala min at-ta'am wash-sharab wan-nikah alladhi kana muharraman 'alayhi حال الصوم. أما فرحه عند لقاه ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله سبحانه وتعالى موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال أين الصائم ليدخل الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم. Cinquièmement, le jeûneur a deux joies, une joie lors de sa rupture et une joie lors de la rencontre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Sa joie lors de sa rupture, c'est lorsqu'il se réjouit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé comme bienfait, lui permettant d'accomplir l'adoration du jeûne qui fait partie des meilleures œuvres pieuses. Et combien de gens en ont été privés? Et combien de gens ont été privés et n'ont pas jeûné? Il se réjouit également de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis comme nourriture, boisson et autre chose qui lui était interdite lorsqu'il était en état de jeûne. Et sa joie lors de la rencontre de son Seigneur, et qu'il se réjouit de son jeûne lorsqu'il trouve sa rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala accordée pleinement à un moment où il en a le plus besoin, lorsqu'on dira « Où sont les jeûneurs ?» Où sont les jeûneurs afin qu'ils entrent au paradis par la porte Ar-Rayyan, par laquelle personne d'autre qu'eux n'entrera. Wa fi hadha al-hadith ibadallah irshadun lis-sahimi idha sabbahu ahad wa qatala an la yuqabilahu bil-mithl li an la yazdada as-sibab wal-qital wa an la yad'afa mamahu bis-sukut bal yukhbiruhu bi annahu as-sa'im isharatan ila annahu lan yuqabilahu bil-mithl ihtiraman lis-sawm la 'ajzan wa hina idin yanqati'u as-sibab wal-qital yadfa' billati hiya ahsan fa hadha alladhi baynaka wa baynahu عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Il y a également dans ce hadith une orientation pour le jeûneur, dans le cas où quelqu'un l'injurie ou l'attaque, qu'il ne lui rende pas l'appareil. Afin que l'injure et l'attaque n'augmentent pas, et pour qu'il ne s'avéblisse pas devant lui en gardant le silence, il l'informe qu'il est jeûneur. Il l'informe qu'il est jeûneur, lui montrant ainsi qu'il ne lui rend pas l'appareil par respect pour le jeûne, et non pas par incapacité. À ce moment, l'injure et l'offense cesseront. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. ومن فضائل الصوم يا عباد الله أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام منحته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منحته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. رواه أحمد. Et parmi les mérites du jeûne, le fait qu'il intercédera pour celui qui le pratique au jour de la résurrection. D'après Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur au jour de la résurrection. Le jeûne dira au Seigneur: je l'ai privé de la nourriture et des désirs, laisse-moi donc intercéder en sa faveur. Et le Coran dira: je l'ai privé du sommeil durant la nuit, laisse-moi donc intercéder en sa faveur. Ils intercéderont alors. Et le hadith est rapporté par Ahmed rahimahullah. Ibadallah, فضائل الصوم كثيرة فليقوم الصائم بآدابه وواجباته ومستحباته على الوجه الذي يرضي ربه. فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحفظ حدوده وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك. Serviteur d'Allah, les mérites du jeûne sont nombreux. Que le jeûneur respecte donc ses conduites, ses obligations et ses actes recommandés, de la manière que son Seigneur agrée. Faites donc des efforts pour parfaire votre jeûne, préservez ses limites et repentez-vous à votre Seigneur pour votre négligence. اللهم احفظ صيامنا واجعله شافعا لنا واغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا إنك سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.